bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue, chers auditeurs de Fadjet. Si vous nous rejoignez sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net, voici l'émission Les bons plans solidaires de décembre. Une émission préparée par le GSA, le groupe solidaire actif de l'association Arelia, qui sera une émission spéciale Noël. Alors, je vous présente les chroniqueurs et les chroniqueuses qui sont avec moi. Bonjour Radija. Bonjour Lionel. Bonjour Antonin. Bonjour Lionel. Et bonjour Bertrand. Bonjour Lionel. Alors, on va essayer de faire pétiller les fêtes qui arrivent bientôt en vous donnant plein de bons plans, d'astuces, de tuyaux. Comme d'habitude, vous connaissez l'émission et vous connaissez son principe. On va démarrer tout de suite avec une première chronique. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Et nous sommes avec Radija. Radija, tu vas nous faire une première présentation. Qui dit Noël dit souvent aussi des soirées coucouning sur un bon fauteuil avec un plaid en regardant des beaux films de Noël. Et tu nous as fait une petite liste des plus beaux films que tu aimes bien et qu'en général on aime tous. C'est à toi. Oui Lionel, aujourd'hui on va parler des bons films de Noël. En général, dans cette période, on aime se retrouver sur sa banquette avec un bon palais, regarder quelques beaux programmes ou films. Ou pour les enfants, si vous êtes abonné chez Orange, vous aurez carrément la chaîne de Père Noël en continu. Pour notre part, nous conseillons de découvrir ou revoir quelques films cultes de Noël. Notre sélection, L'Arbre de Noël, 1969, un magnifique film émouvant avec un Bourville épatant. Le Pôle Express 2004 de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, un film merveilleux. Évidemment, et pour la 450e fois, avec toute la troupe de Splendid, le fameux Père Noël et une ordure. Alors, tu sais, Radija, et vous tous, le titre initial du film qui avait été proposé par la troupe du Splendid, c'était « Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul ». Voilà. Continue. Alors, il y a aussi le film « Maman, j'ai raté l'avion » 1990 de Chris Columbus, un classique incontournable. Une autre classique, « L'étrange Noël » de Monsieur Jack en 1993 d'Henri Selick. Plus romantique, « La vie est belle » de 1947 de Frank Capra, un incontournable. Enfin, Santa et compagnie de 2017, film comédie fantastique d'Alain Chabat. Sur les plateformes de France TV ou Arte, TF1+, vous allez vous régaler en regardant en replay et streaming. Merci. Allez, on continue avec notre prochaine chronique. On retrouve Bertrand à qui je vais donner un petit coup de main. Parce qu'on passe à table et que je suis gourmand. À toi Bertrand. Alors, un bon repas de Noël à moins de 10 euros par personne. Sortez des menus classiques et redondants de Noël, le chapon, le foie gras, les escargots, j'en passe, et des meilleurs, pour vous concocter un menu excellent, original, simple à faire et peu onéreux. Voici notre proposition d'un bon repas à la portée de tous et pour toutes les bourses. Alors, en apéritif, pour régaler vos convives une fois arrivés, il va falloir les accueillir avec une petite mise en bouche gourmande. Proposez un apéro frais aux saveurs de la mer. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'acheter un petit paquet de mini pains briochés ronds, environ 3 euros, puis de les garnir individuellement de tarama, environ 2 euros. Vous pouvez aussi ajouter un peu de radis finement coupé ou de ciboulette pour apporter une touche de fraîcheur. Pour apporter du croustillant, optez pour des chips de patates douces maison. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de prendre une patate douce, moins de 3 euros le kilo, que vous découperez en fines lamelles avec une mandoline ou un grand couteau. Étalez les rondelles sur une plaque allant au four, étalez un peu d'huile ainsi que des épices, paprika, cannelle, thym. Après 20 minutes au four à 180 degrés, vos chips sont prêtes à être dégustées. Cela revient à 2 euros par personne, pour 4 personnes. En entrée, nous vous proposons un velouté de butternut ou autres légumes frais ou surgelés que vous allez améliorer avec de la crème fraîche, des aromates, persil, ciboulette et des croûtons grillés que vous ferez vous-même à partir d'un reste de pain trempé dans l'huile et chauffé au four 20 minutes. Si vous en avez en stock, rajoutez une petite cuillère à café de miel, vous verrez, c'est extra. Et en plat principal, on vous propose un roulé de poulet à la pancetta et à la sauge, accompagné d'un gratin de pommes de terre. Ça donne faim. Le roulé de poulet, c'est une escalope de poulet, très fine, ou de la dinde, même encore, moins chère. Vous l'aplatissez très bien pour mieux pouvoir la rouler. Vous salez, vous poivrez. Vous recouvrez votre escalope d'une feuille de sauge sur une épaisseur. Roulez l'escalope et la sauge et entourez-la de deux petites tranches de pancetta que vous fixerez avec des cure-dents. 4 par filet en général. Pour bien maintenir la forme des roulés, cuisinez-les à la poêle, préparez avec un fond d'huile d'olive, cuisson 15 à 20 minutes à feu doux, selon l'épaisseur du filet de poulet ou de dinde. Et surveillez bien pour que la viande reste moelleuse. Pour le gratin, il suffit d'éplucher 2 pommes de terre par personne, coupez-les en fines lamelles avec une mandoline. Vous prenez un plat, vous mettez vos pommes de terre, vous rajoutez de la crème fraîche entière liquide, selon vos goûts, vous rajoutez de l'ail coupé, fin, vous salez, vous poivrez. Vous mélangez le tout et vous mettez au four à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. Mais surveillez bien la cuisson. Servez dans une assiette le roulé de poulet, accompagné de ce gratin. Vous proposez la viande dans une assiette et le gratin dans un petit récipient à côté. Ce délicieux repas revient à 3 euros par personne. On passe au fromage, Bertrand. Alors, pour les plus gourmands, vous achetez 2 fromages, l'un à pâte molle, brie, camembert, et l'autre à pâte persillée, type roquefort, bleu, etc. Ou un jérômé si vous êtes lorrain. Accompagnez le fromage de son lit de salade, cela facilitera la digestion. Prix de revient 2 euros par personne. Nous arrivons au dessert. Nous vous proposons une poire Belle Hélène servie en ramequin ou coupelle. Pour cela, il vous faut une boîte de poire coupée au sirop, une tablette de chocolat dessert de 200 g et un pot de glace de vanille de 400 g, quelques amandes coupées finement et une petite bombe de crème chantilly. Faites fondre le chocolat dans une petite casserole à feu doux. Pendant ce temps, préparez dans votre ramequin ou petite assiette à dessert l'équivalent de 2 boules de glace, puis déposez votre demi-poire au sirop, versez un peu de chocolat chaud, puis un petit peu de chantilly et enfin vos fins morceaux d'amandes coupés finement. Cette recette a un coût de 2,50 euros par personne environ. Vraiment pas cher. Et tu fais ton repas de Noël avec quel accompagnement au niveau du vin ? Alors, nous conseillons d'accompagner ce repas d'un vin rouge pour le plat et le fromage, petit côte bourguignon, vin de Bordeaux ou un simple côte du Rhône ou un pinot rouge ou un gamay, cela revient à 3 euros par personne. Au total, votre repas de fête vous reviendra à environ 12,50 euros par personne et donc à 9,50 euros sans le vin. Pour les bons tuyaux et pour acheter moins cher, évidemment, et respecter votre budget, poulet et pommes de terre, achetez-les en plus gros volume. Cela revient moins cher au kilo et ça vous servira à nouveau pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Prospectez bien chez les Hardin Scooters, les promos en hypermarché aussi, et même quelquefois sur les marchés. Vous avez des bonnes promos de dernière minute, souvent avant la fermeture. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Pour la sauge, vous pouvez l'acheter aussi en petits pots solubles, coupés finement. À quoi ça sert de se décarcasser, comme disait l'autre? Si vous voyez ce que je veux dire. Pour le vin, les Hard Discounters allemands proposent le plus souvent des prix intéressants d'une qualité satisfaisante. Notre menu n'est qu'une suggestion. Peut-être que ça va vous donner d'autres idées pour d'autres types de menus. En restant avec un budget similaire, on a dit 10 euros par personne. Si vous aussi vous tentez l'expérience, n'hésitez pas à nous faire vos retours et vos menus de fête sur le Facebook de Fadjet. Bientôt Noël, alors on sort les Christmas songs avec Brendley et son fameux Rock Around Christmas Tree. C'est génial. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve le 24 décembre au soir et le 25 pour notre Noël ensemble sur Fadjet. C'est cool Noël et c'est cool Fadjet. Christmas tree, have a high- Et là, c'est Glicast avec le célébrissime Jingle Bell Rock, Yves-Mon Noël. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Rock, jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time. Go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Allez, on retrouve maintenant Antonin. Toi, tu t'es promené à Nancy et dans le département, dans la région, etc. Et tu vas nous raconter comment que ça se passe, les marchés de Noël sur Nancy et sa région. Comme chaque année, chaque ville fait au mieux pour recréer durant le mois de décembre une ambiance douceur, conviviale et festive pour célébrer la période de Saint-Nicolas, Noël et le jour de l'an. Nous avons fait pour vous le tour de tous les marchés de Noël tout autour de Nancy et plus loin encore. Ce week-end d'abord, à Lunéville, marché de Noël du 14 au 24 décembre, les 14 et 15 décembre, puis du 18 au 24, au programme chalet, artisanat, spectacle, animation, atelier décoration, etc. Un endroit idéal pour passer un moment convivial en famille ou entre amis. À Sion, Noël sur la colline, les 13, 14 et 15 décembre, la magie de Noël s'installe sur la majestueuse et emblématique colline de Sion-Vaudémont. Le traditionnel marché des artisans et producteurs locaux réunira plus de 80 exposants pour un marché de Noël authentique et convivial. Des ateliers thématiques proposés par la Cité des Paysages et de nombreuses animations compléteront ce week-end festif. À Longwy, le village du Père Noël, les 13, 14 et 15 décembre, retrouvez toute la magie de Noël à Longwy, gourmandises, vins chauds, huîtres, décorations et produits de saison composeront le marché de Noël situé Porte de France. Non loin de là, dans sa yourte entourée d'une forêt de sapins, le Père Noël accueillera les enfants sages du 6 au 24 décembre. Mais aussi à Pont-à-Mousson depuis le 2 décembre et jusqu'au 23 décembre, comme chaque année, la place du Roc se met aux couleurs de Noël. Le marché de Noël accueille les artisans locaux, des producteurs bio et des créateurs divers. Des spectacles de rue, une patinoire et des manèges feront le bonheur des plus petits et des plus grands. À Nancy, appelé marché de Saint-Nicolas, la ville est en fête depuis le 22 novembre jusqu'au 5 janvier. Nous en avions déjà parlé le mois dernier avec le détail de cette période que vous pouvez retrouver en podcast sur fadjet.net. En résumé, 5 marchés de Noël dans la ville, animation, mapping sur la place Tan, manège, le grand sapin de Noël et même la braderie de début janvier à ne pas rater. Sinon, pas très loin de Nancy, vous pourrez aller à la découverte des autres grands marchés de Noël de la région. À Metz, nos amis mosellans ont également un grand marché de Noël qui se déroule depuis le 22 novembre jusqu'au 30 décembre. Est classé il y a 2 ans comme le 3e plus beau marché de Noël d'Europe, avec ses chalets, ses animations et notamment la grande roue la plus haute de la région, culminant à 48 mètres de hauteur. beaucoup, Antonin. C'est vrai qu'il y a de quoi se balader. Et on va continuer en allant encore un petit peu plus loin que la région autour de Nancy. Bertrand, c'est toi qui vas nous présenter les grands marchés de Noël qui sont à 1 heure, 2 heures de route grand maximum de Nancy et qui valent vraiment le coup d'aller y faire un petit tour. C'est à toi. Alors, à 1 heure de Nancy, au Luxembourg, à Luxembourgville, l'annuel Winter Light, ou Lights peut-être, se déroule depuis le 22 novembre et se terminera au 1er janvier. Les 5 marchés se répartissent dans la ville haute et la ville basse, notamment sur la grande place ducale avec plus de 100 chalets de souvenirs, d'objets artisanaux, de gastronomie, etc. La bonne fondue du marché, quel régal! La ville est illuminée de 1000 feux, des concerts ont lieu chaque soir, des animations et expositions aussi. N'oublions pas que les bus sont gratuits au Luxembourg et comme c'est un petit pays, vous pouvez toute la journée faire d'autres marchés comme ceux d'Esch sur Alzette ou Ettelbruck. Très agréable moment à passer en famille, d'autant que chaque année à cette période, il y a quelques flocons de neige qui tombent au Luxembourg, c'est magique. C'est vrai ça. Ceux qui étaient déjà allés, j'y suis déjà allé. Pendant le marché de Noël de Luxembourg, il y a de la neige. À 2 heures de route de Nancy, les marchés d'Alsace. À Strasbourg, le traditionnel marché de Noël de Strasbourg, l'un des plus connus du Grand Est. Il se déroule du 27 novembre au 27 décembre. Effectivement, c'est un marché de Noël très connu et très joli, notamment dans le quartier de la Petite France. Son succès ne se dément pas année après année et il est tellement fréquenté qu'aujourd'hui, il faut aimer la grande foule pour pouvoir le visiter. À Kaisersberg, le marché de Noël de Kaisersberg est sans doute l'un des marchés les plus authentiques et les plus pittoresques d'Alsace. Situé dans la vallée du village médiéval de Kaisersberg, ce marché de Noël met en valeur les ruelles et les maisons à colombage typiquement alsaciens. Nous vous conseillons vivement de découvrir ce marché à la nuit tombée pour profiter pleinement des illuminations. C'est d'ailleurs le jour qui tombe. Les arômes de vin chaud, l'odeur des bredelets, les nombreuses décorations et illuminations vous charmeront et vous laisseront un beau souvenir. Les chalets et les exposants du village seront présents pendant toute la période de l'avant-Noël. Ils se déroulent les week-ends du 22 novembre au 22 décembre. À Colmar, un grand marché de Noël, là aussi dans toute la ville, les élus plus belles illuminations d'Europe en 2018. Le marché se déroulera du 26 novembre... au 29 décembre. Et chez nos amis champenois, 2 heures de route de Nancy. Alors, Reims et Épernay. Reims a été classé comme 4e plus beau marché de France ces dernières années. Toute la ville se met à l'heure des fêtes avec illumination, chalet, expo, animation. Le vieux Reims autour de la cathédrale est merveilleux. Et puis, il ne faut pas manquer à 25 km de Reims, Épernay et l'avenue de Champagne, celle où se trouvent toutes les grandes maisons de Champagne, Mouette et Chandon, la Veuve Clicquot, Ruinard, etc. En effet, sur cette avenue, leur propriétaire propose un spectacle incroyable de mapping sur chaque façade du domaine, des illuminations sur l'avenue plus belle encore que celle des Champs-Élysées à Paris. Bref, une balade magique à faire. Ces spectacles ont lieu ce week-end, les 13, 14 et 15 décembre. Ne les ratez pas. Ah oui, surtout ne les ratez pas, c'est merveilleux pour les petits comme pour les grands. Allez, ça donne faim tout ça, ça donne envie d'aller se balader. Mais avant de poursuivre nos belles balades de Noël, c'est pas fini, on fait une deuxième pause musicale avec une autre Christmas song de Noël incontournable. Cette fois, c'est Kelly Clarkson avec son Underneath the Tree, en français sous l'arbre. Sous l'arbre ? Eh bien, on attend les cadeaux, on est tous des enfants à Noël. Thank you. one day everything changed. You're all I need underneath the tree. Et puis Noël, c'est aussi souvent les vacances pour les petits et même pour les grands. Souvent, les personnes prennent une petite semaine de vacances pour les fêtes de Noël. Alors, Radija, toi, tu es partie à la découverte des plus beaux marchés de Noël en Europe. Alors, si vous voulez partir en séjour, n'hésitez pas. À toi, Radija. Oui, on continue toujours avec les marchés de Noël. Oui, cette fois, c'est les marchés de Noël en Europe. Si vous voulez voir les plus beaux marchés de Noël d'Europe hors de France, et pour passer une belle semaine de vacances, voici le top 10. Prague, en République tchèque, arrive souvent en tête du classement des marchés de Noël. Et ce n'est que justice. Très proches les uns des autres, plusieurs marchés dégagent une authentique ambiance de Noël. Les deux principaux se situent place de la vieille ville, dominée par un monumental arbre de Noël, et place Venceslas. La deuxième ville, c'est Vienne. Noël à Vienne et en Autriche est un véritable événement. Plus d'une douzaine de marchés de Noël viennent illuminer les places et les palais du centre historique. Et le spectacle est magnifique. Des centaines de chalets vendent de l'artisanat d'art, des décorations en verre et en céramique, des figurines d'étain, des crèches traditionnelles fabriquées à la main, des sucreries, des pains d'épices, des fromages et des vins de producteurs locaux. La troisième, c'est Tallinn. Parmi toutes les villes de notre top 12 des marchés de Noël en Europe, celui de Tallinn, en Estonie, est certainement le plus folklorique. Il situe dans le centre historique au pied d'un bâtiment médiéval du 15e siècle qui constitue aujourd'hui le symbole de la ville. La quatrième, c'est le plus beau marché de Noël de Londres. Ils sont aucun doute Winter Wonderland de Hyde Park. Il faut dire qu'il s'agit d'un véritable parc d'attractions. Patinoires géantes, spectacles de cirque, concerts, grandes roues, roller coaster, palais d'hiver, magiciel, Ice Kingdom. Avec cette année, un univers magique qui vous transportera dans les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. À travers un parcours immersif de glace et de neige plus grande que nature. À Londres, Noël est une fête. La cinquième, c'est Budapest en Hongrie. Une des particularités des marchés de Noël de Budapest, c'est que l'on y trouve que des produits de qualité, fabriqués en petite quantité, selon les méthodes. Si vous voulez des bricoles cheap pour mettre au pied du sapin, fouillez. Sinon, vous pourrez ramener des décorations pour votre arbre ou des sujets pour la crèche. Des statuettes d'angelots, des jolies guirlandes ou de photophores. Si vous êtes gourmand, ne passez pas à côté. Pralines au chocolat joliment emballées ou de bijlibiche locales qui se conservent pendant plusieurs jours. Mais il y a aussi Mons en Belgique, Cologne en Allemagne, Riga en Lettonie, Copenhague au Danemark, Fauquemont aux Pays-Bas. Alors Bertrand, toi, avec toutes ces visites qu'on a faites, tu nous as fait le classement le top 8 des plus beaux marchés de Noël en France. C'est à toi. Alors oui, donc celui qui est paru l'an dernier dans les classements officiels était celui-ci. En premier, Strasbourg. En deuxième, Colmar. En troisième, Reims. En quatrième, Metz. En cinquième, Amiens. En sixième, Montbéliard. En sept, Kaisersberg. Et en huit, Lille. Et les plus belles festivités de Saint-Nicolas en Europe, car ce saint patron est fêté par un grand nombre de pays d'Europe, en France, en Allemagne, en Suisse, en Luxembourg, en Belgique, en Hollande, en Russie, en Pologne, en Autriche et d'autres encore, se trouve où d'après vous? Eh bien à Nancy, bien sûr. Et n'oublions pas que les Belges, les Hollandais, les Allemands et les Français de l'Est qui arrivent en Amérique au XVIIe siècle ont reproduit cette tradition qui se développa dans tout le pays et qui devint Santa Claus, alias le Père Noël. Allez, on passe maintenant au grand jeu tant attendu des anniversaires de célébrités qui sont nés le 25 décembre. Alors, vous êtes prêts, vous avez révisé, auditeurs et vous les chroniqueurs, c'est parti. C'est une femme française, elle est née le 25 décembre 1952. Son vrai nom est Claudie Frisch. Elle est auteure, compositrice, interprète, révélée dans les années 80. Si je vous dis voyage, voyage, vous me dites... Désirless. Oh. Désirless, voilà. Oh, alors là... Allez, cette fois-ci, c'est un homme né le 25 décembre à Longueuil, au Québec. Québécois, donc. Il rencontre une copine d'école à l'âge de 9 ans qui deviendra sa femme et sa partenaire, avec laquelle il aura des enfants, il suit des cours de danse, il devient un danseur de salon et devient très célèbre au Canada très jeune. Avec sa femme, ils viennent ensuite en France, où ils deviennent les stars de la danse de salon, au travers de spectacles et surtout d'émissions à la télé très connues. Si je vous dis « Et ça, j'achète », vous me dites que c'est Jean-Marc Généreux. « J'achète !» C'était bien sûr Jean-Marc Généreux. Allez, à l'année pour la route. Je suis un homme célèbre depuis 1931. Mes origines sont européennes, mais j'ai vécu ensuite aux États-Unis. Ma célébrité est arrivée par des publicités que j'ai faites pour deux sociétés américaines, McDonald's et surtout Coca-Cola. Je suis devenu un personnage célèbre en raison de ma physionomie, d'un homme d'un certain âge, assez petit, assez rond, portant des lunettes, avec une voix grave, habillé toujours de rouge et avec une grande barbe blanche et conduisant un traîneau dans la neige, mais aussi dans le ciel. Si vous me trouvez pas qui je suis, vous n'aurez pas de cadeau. Je Père suis... Noël. Mais oui. Ho, ho, ho. Joyeux Noël, sur Fadjet. Joyeux Noël. Eh bien, maintenant, il est temps de terminer cette émission. Un grand merci à nos chroniqueurs. Merci, Radija. Merci, Lionel. Merci, Antonin. Ben, merci à vous. Merci, Bertrand. Pas de quoi. Un grand merci aussi à Jenny qui nous a donné un super coup de main pour cette émission. Pour ma part, il s'agit, et pour notre part, il s'agit de notre dernière émission des bons plans solidaires. Et j'espère qu'elle pourra se poursuivre d'une manière ou d'une autre avec Arélia ou une autre association. Elle m'a donné le virus de ce qu'est une radio de proximité avec toutes ses valeurs comme celle de l'amitié, de la solidarité et de la participation citoyenne. Mais vous me retrouvez bientôt pour de nouvelles aventures sur Fadjet. En tout cas, cette émission a été une belle expérience professionnelle et humaine de plus de 5 ans, avec l'association Arélia et une trentaine de chroniqueurs qui se sont succédés derrière les micros et dans notre atelier radio chaque semaine et dans les studios de Fadjet, et pour qui je sais, cela leur a permis d'acquérir de nouvelles compétences, une plus grande confiance en eux et un plaisir de se sentir utile envers vous les auditeurs, avec quelques bonnes amitiés qui se sont consolidées entre eux et qui a fondé cette belle dynamique pour toutes et pour tous, tant sur le plan personnel que professionnel. Chacun se joint à moi pour vous remercier de tous ces bons moments passés ensemble. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement Fabienne Marchal, la directrice de Fadjet, pour son sens de l'accueil et de l'hospitalité, son humanisme et son don de faire confiance. Merci aussi à Aurélie Sinès, qui nous a été si précieuse et bienveillante au début de cette aventure. Et enfin, comme il est à côté de moi, j'en profite pour le remercier. Merci à toi Yves, le réalisateur préféré et chirurgien du son, pour ton empathie et ton professionnalisme. D'ailleurs, mais cela reste entre nous les auditeurs, hein, nous reviendrons pour une émission spéciale dans le cadre des 40 ans de Fadjet, en février prochain, autour de cet anniversaire, et en rappelant les anciens chroniqueurs des bons plans solidaires. Merci encore à toutes et à tous de votre fidélité, de votre tolérance parfois, mais c'est ça une radio locale associative de proximité qui nous permet de rester 365 jours par an ensemble avec de chouettes programmes. Continuez à soutenir cette radio du mieux possible par votre écoute, votre participation, qu'elle soit financière, par des dons, c'est bientôt Noël, ou par votre engagement bénévole. Cette radio est bien plus qu'une radio, je peux vous l'assurer, au bout de 50 participations. N'oubliez pas les amis, on se retrouve avec la Dream Team les 24 et 25 décembre prochains pour nos émissions Noël Ensemble. Vous allez retrouver dans quelques instants Valentin et son équipe pour le Très en Forme, puis la suite de vos programmes sur Fadjet. Belle journée à vous, prenez soin de vous. Par avance, joyeuses fêtes à toutes et à tous et nous, on se retrouve à Noël. Ciao, bye bye.